Flycase, le classement des 20 titres les plus représentatifs de ta radio. Chaque samedi, 7h, retrouve Olivier Curtis et les 20 titres incontournables de la semaine. Flycase. Les 20 titres qui te font bouger. 2 heures de classement, des news. Flycase, c'est un concentré de galaxies en 2 heures. Pour ne rien rater du prochain Flycase, calme-toi Galaxy ce samedi à 16h. Le Flycase avec Olivier Curtis te distille l'essence de ta radio. Flycase. Samedi 21 mai, soyez les bienvenus en ce samedi après-midi. C'est le Flycase. C'est reparti pour une nouvelle édition jusqu'à 18h. Avec une fois de plus cette semaine, pas mal de changements. Peut-être un nouveau numéro 1 également. La semaine dernière, c'était Matt Joe avec Nighthawk. En sera-t-il encore question? Eh bien, rendez-vous tout à l'heure aux alentours des 18h. Et puis, en attendant, pas trop de changements. Par contre, au niveau des entrées, il n'y a un total que deux entrées et deux sorties. Flycase. La sortie de Jane Faris avec Time. Et en sortie également cette semaine, Pig & Dan avec Growler. Numéro 20. Allez, on y va, on est parti d'attaque tout de suite avec la 20e position. C'est la lanterne rouge cette semaine. Ça perd une petite place, Detroit Swindle. À mon avis, c'est la dernière semaine. House Music. Flykes et les 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h. À mon avis, c'est la dernière semaine également pour cette reprise The Man Judgment. Give It Rated, c'est le remix de Dave Clark, c'est la position numéro 19. Ça perd deux petites places et Lanterne Rouge cette semaine, une place au moins pour Detroit Swingle avec le titre House Music. Profitez bien du soleil, il fait beau aujourd'hui, hein, excellent. Avec Olivier Curtis sur Galaxy, numéro 18. Flykes, nouveauté.

15. Flycase, nouveauté. it. House is a feeling. House is a sanctuary. House is a release. Is house. I will take you to the mountaintop, and there the whole world will see the glorious light of this nation. That is house. You see, people, house is more than a nation. House is a feeling. House is a sanctuary. House is a release. House will pick you up when you feel down. House will make you strong when you feel weak. House will fill you up when you feel hungry. He said, if you vote for me, I can make the sun rise take a little bit longer. I can make the dance floors just a little bit stronger, so y'all can stomp y'all feet. Semaine de présence déjà dans ce classement, c'était DJ Roland Clark et l'instant avec Santé Sanson, ça s'appelle House Nation. Ça perd une petite place cette semaine et la numéro 15 cette semaine, c'était la meilleure entrée. Il y en avait deux au total cette semaine. Monkey Safari avec On, c'est le remix de Paco Ozola. Les 20 indispensables sur Galaxy numéro 13. I can feel you.

qui a fait plaisir également les saisons précédentes dans ce classement, première saison du Flakeys d'ailleurs. Solomon avec Viver der Zin, excellent souvenir. On vous souhaite un excellent samedi après-midi, il est 17h. Flakeys numéro 20. Allez, on y va, voici le récapitulatif de la position numéro 20, la position numéro 11, 20e, une place au moins, c'était Detroit Swindle avec House Music. Numéro 19, à mon avis, c'est la dernière semaine. C'est à vous de voter Facebook Flakeys si vous voulez refaire progresser ce titre. C'était Neon Judgment avec TV Treated, le remix de Dave Clark. Numéro 19, ça perd deux places. Numéro 18. La première entrée, il y en a deux au total cette semaine. Numéro 18, Tepno avec Me and My Guitar. Plus ou moins, c'est la position numéro 17, Fine Bass avec Rotendo. Numéro 16. Numéro 16, ça perd 4 places cette semaine, Nomi Rumpa Enemy avec Test Like. Numéro 15. Numéro 15, c'était la meilleure entrée pour cette semaine. Il y en avait deux au total. Monkey Safari avec On, le remix de Paco Uzuna. Numéro 14. Il s'appelle DJ Rollin Clark. C'est la position numéro 14 avec Santé Senson, House Nation. Ça perd une place. Numéro 13, on adore ce titre, on espère quand même qu'il sera numéro 1, pourquoi pas, c'est mal barré en tout cas. Deux places au moins cette semaine pour la 13e position, Iena et Nonko avec Sokit, c'est le remix de André Lodman. Numéro 12. Excellent également ce titre. Numéro 12, ça gagne 4 places cette semaine, Ship Robot et Roman Flagel, le grand retour également dans ce classement avec End of Trail. Numéro 11. Et enfin numéro 11, on se l'a écouté il y a quelques secondes, Kevin McKay avec What You Want, le remix de Jean-Paul Ghetto. Numéro 11, deux places au moins. Galaxy Flakeys. Numéro 10. Alors attention, dans un petit 10 minutes, eh bien, on aura l'occasion de vous offrir une séance UV chez Recto Verso d'ici 10 minutes. Donc restez-nous fidèles, de quoi vous faire une petite beauté pour cet été. Évidemment, ce sera dans 10 minutes. Et puis en attendant, voici la 10e position. Voici Man Without the Clue. Ça gagne 5 places cette semaine. Push Me Around. Très bon après-midi. Et juste après, la 9e position avec Carrier District Techno Disco, le remix de Kink. I'm with it. Et les 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h avec la position numéro 9 à l'instant, une place au moins, c'était Carrier The Street avec Techno Disco Color Mix The Kink et Men Without The Clouche, c'est pas vraiment mais qui push me around, c'était la position numéro 10 plus 5. Et puis on vous l'avait promis, nous allons jouer tout de suite avec Recto Verso, le centre de bronzage et de bien-être. Ça se trouve au village commercial 5 rue Jean Jaurès à Ouescal. Rendez-vous à ne pas manquer là-bas. On a tout de suite une séance d'UV à vous offrir. C'est pour le cinquième appel. 03 20 83 57 57 03 20 83 57 57. Allez-y, séance de bronzage, je sais, pour vous, pour vous faire une petite beauté pour cet été. Les 20 titres qui te font bouger. Numéro 8. titres qui te font bouger. Numéro 7. Les 20 titres incontournables, c'était la position numéro 6 à l'instant, une place au moins pour Gilman et Wade avec Dirty Groove, numéro 7 juste pour avoir DJ SKT avec ses textes numéro 1, ça s'appelle Dirty, ça perd 3 places et 2 places de mieux pour Churches avec Leave a Trace, c'est le remix de 48 numéro 8 tous les jours dès 20h sur Galaxy et encore plus le week-end. La musique électronique s'exprime en toute liberté. Émission thématique et DJs rythme les nuits des tribus électroniques. Only mix on Galaxy. Ce soir sur Galaxy. Shake it, girl, shake. Et nous sommes samedi et ce soir sur Galaxy, la tribu sera là avec Jérôme, mais à partir de 20h, à partir de 21h, Franck Lido, 22h, Ziggy Tom, 23h, Marty, minuit, DJ Storm, et à partir de 1h jusqu'à 2h, ce sera DJ Gus avec Bad Noise is a Pleasure. Tout de suite, on fait une petite proposition d'entrée, on va se faire plaisir. Tiens, Overphonic, ça cartonne en Belgique, c'est un remix de All Farben, ça s'appelle Badaboom. So he calls you baby, but can't you see you're only living in a fantasy? C'est sûrement celui de trop, badaboum, eh oh, t'es tombé sur un salaud, patatras, eh ah, c'est sûrement celui de trop. Though you misunderstood when I said he was good, I simply meant he does me like you're never cool. When I'm under his thumb and he's making me, baby, that's the way you feel is best I go. Trop bad. Galaxy, un rétro n'est jamais de trop. Un rétro n'est jamais de trop.

Flakes et les 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h avec les positions numéro 4 à l'instant, c'est les Patrice Bobal avec In This World. Ça perd 2 places, ça gagne 2 places et 3 places au moins. Par contre, je sais pas vraiment, la reprise d'un vieux titre de Nina Simone, ça s'appelle Thin Line Woman. C'est leur mix WAD et c'est interprété par Denise Cruz. Dans quelques instants, le podium de tête, les 3 premiers. Matt Joe sera-t-il encore numéro 1? Telle est la question en réponse dans quelques secondes. Les 20 titres indispensables. Flakes sur Galaxy, numéro 3. See the end. grimpe, ça grimpe. Encore une petite place de gagner cette semaine. Peut-être un futur numéro 1, peut-être la semaine prochaine. Hein. Qui sait, c'est à vous de voter. Facebook, Flykaze, Usul, c'est le cuc. Numéro 10. Allez, on y va. Voici le récapitulatif des 10 premiers pour cette semaine. Numéro 10, 5 places du mieux pour Man Widow de Clou avec Push Me Around. Une petite place au moins cette semaine, c'est la position numéro 9, Carriers District avec Techno Disco, le remix de Kink. Numéro 8. Numéro 8, ça gagne deux places cette semaine. On adore ce titre, ça s'appelle Churches avec Leave a Trace, c'est le remix de Fortate. Numéro 7. Numéro 7, c'était numéro 1 il y a quelques semaines déjà de cela. Ce titre, bah, ça perd encore 3 places cette semaine. DJ SKT avec Dorsey. Numéro 6. Numéro 6, Gentleman et Wade avec Dorsey Groove. Numéro 5. Denis Cruz, ça perd un petit peu de terrain également, hein. 3 places au moins cette semaine, excellent également avec Sea Line Woman, c'est le remix de WAD. Numéro 4. Numéro 4, il s'appelle Patrice Bommel avec Indies World. Numéro 4, ça gagne 2 places. Alors ça c'est bien parti pour être numéro 1 également. 4 places du mieux cette semaine, c'est la position numéro 3. Alaya et Gallo avec Kevin Adden, ça s'appelle Who Is He. Numéro 2. Et enfin on adore ce titre également, ça... on vient de se l'écouter il y a quelques secondes. Hein. Usul Selkuk et Josh Moreland avec le titre Out of My Head numéro 2, ça gagne une place. Hein. Flykaze. Numéro 1. Numéro 1. Ah bah oui, bah finalement, pas de changement par rapport à la semaine dernière. C'est toujours Majo numéro 1, ça s'appelle Night Hawk. Nouveau numéro 1 depuis la semaine dernière. absolument pas pour la semaine dernière. C'est toujours Matt Joe à l'instant avec Nighthawk, numéro 1 de la semaine dernière d'ailleurs. Ce titre de Matt Joe avec Nighthawk, c'est à vous de voter Facebook Flycase, je vous rappelle, pour le maintenir en position numéro 1, en pole position. Ouais. Flycase. Bah voilà, Flycase, c'est terminé pour cette semaine. Prochain rendez-vous la semaine prochaine à partir de 16h, bien évidemment. Dans quelques instants, c'est Matt le Matou. Vous allez trouver avec quelques minutes de retard. Il est pris, on l'a séquestré, on veut lui piquer ses vinyles pour les faire fondre, pour avoir du pétrole. Non, non, bon, il sera là avec quelques minutes de retard. Enfin, c'est l'explication qu'il nous a donnée, en fait. Matt le Matou, donc, tout à l'heure, d'ici quelques minutes. Et puis, en attendant, la suite de la musique, c'est avec Red George, ça s'appelle Your Mind. Ciao, bonne soirée, ciao. Galaxy. Galaxy.